Nous sommes le 12 juin 2021. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition de la mi-journée dont voici d'abord les grands titres. Deux personnes de le chef de la zone Mhinga en commune Evugizo de la province Makamba ont été blessées dans la nuit de ce vendredi dans une attaque à la grenade. Une personne a été appréhendée pour des enquêtes. Chaque 12 juin de l'année, le monde célèbre la journée internationale de lutte contre le travail de l'enfant. La Radio Sanganilo a visité certains des enfants qui exercent des différentes activités génératrices de revenus. Les affiliés de la mutuelle qui se soignent à l'hôpital Mutoyi de la province Gitega manifestent leur satisfaction quant à la décision du hôpital d'accepter la reprise de l'usage de la carte mutuelle. Vous l'entendrez dans cette édition. Ifeteni Djimbele est à la présentation de ce journal. Riku Imanan assure la mise en onde. Bienvenue. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Encore une fois, bienvenue. Débutons notre édition dans la page sécurité. Le chef de zone Mhinga, commune Evugizo de la province Makamba, a été gravement blessé dans la nuit de ce vendredi dans une attaque à la grenade. Lui et son motard ont été transférés à l'hôpital de Makamba pour des soins de santé. Un présumé auteur a été appréhendé pour des enquêtes et il est en garde à vue au commissariat de police de Makamba. Page éducation, certains secteurs nécessitent plus de formation que les autres au Burundi dans les écoles secondaires et institutions universitaires. Lors de l'émission en synergie des médias ce jeudi, l'Association des industriels du Burundi ainsi que l'Université Lumière de Bujumbura se sont convergés sur la nécessité d'élaborer les programmes en fonction de l'emploi disponibles dans le pays, même s'ils constatent que les jeunes ne s'y intéresse pas. Au niveau de la direction générale de Kukila et des innovations pédagogiques, l'on affirme que l'État a déjà commencé le partenariat avec les privés et l'Inibenivigila pour les détails. Lors de cette émission en synergie, Darin Garambe, ayant suivi ses études à l'étranger, trouve que parmi les secteurs qui devraient être renforcés au niveau des formations figurent l'agriculture et l'élevage. Si l'on regarde la population qui vit de l'agriculture et de l'élevage et regarder notre capacité de production, nous connaissons toujours l'agriculture vivrière, même nos exportations ne sont pas transformées, les fruits sont en train de pourrir, je crois qu'on devrait s'y Idem pour Balthazar Ndaboroheye, secrétaire de l'Association des industriels du Burundi, mais ajoute que les formations en ingénierie, géologie et mines sont plus nécessaires. Dans les domaines d'ingénierie et sciences, il y a possibilité d'avoir de l'emploi à la fin de ces études, puisque les lettres modernes, l'histoire ou autres. Il y a aussi l'hôtellerie et tourisme. Je ne crois pas que même les enseignants qui dispensent ces cours sont vraiment qualifiés. Cependant, les étudiants ne s'intéressent pas à ces domaines techniques, fait remarquer Euphrasie Bigirimana de l'université privée Lumière de Bujumbura. Il y a aussi ce qui s'observe. Les enfants n'aiment pas les formations techniques. Ils trouvent que le certificat ne vaut rien. Ils veulent un diplôme, mais les études techniques assurent beaucoup de compétences. André Nduwimana, directeur général des Curricula et des innovations pédagogiques, dit que l'État a déjà sollicité les investisseurs privés pour appuyer au développement. Aucune formation n'est basée sur apprendre par cœur. Comme nous, nous les formons pour avoir des compétences permettant de décrocher du travail. Dans d'autres pays, il y a le partenariat public-privé. Les investisseurs sont en train d'être priés par l'État de prendre le devant dans les travaux de développement. Selon l'étude menée par Handisco en 2017, plus de 60% de la population burundaise sont des jeunes, dont plus de 13% vivant le chômage. Merci, Liber Nibigidas. Page santé, les affiliés de la mutuelle de la fonction publique qui se font soigner à l'hôpital de Mutoyi, 6 ans commune Bugendana de la province Gitega, se disent satisfaits par la décision du dit hôpital d'accepter la reprise de l'usage de la carte mutuelle de la fonction publique. Le médecin directeur de cette structure de soins précise qu'après une année et demie que cette mesure est prise, l'avantage est net pour l'hôpital et pour les patients. Gérard Nibigida. Habyarimana Vincent, enseignant de la commune Gihogazi, province Karusi, est un des malades qui utilise la carte mutuelle de la fonction publique et qui est hospitalisé à l'hôpital de Mutoyi. Il dit qu'il se réjouit de la reprise de l'usage de la carte mutuelle de la fonction publique à cet hôpital. En matière de l'usage de la carte mutuelle, moi je l'ai accueilli avec satisfaction, avec grande joie, car lorsque j'arrivais ici, j'ai trouvé que le mutuelle est fonctionnel, car premièrement, on m'a demandé si je suis un fonctionnaire de l'État. Et puis, on m'a demandé si j'ai un mutuel. Puis, je l'ai donné. Et ils ont inscrit le numéro de la mutuelle. Et puis, j'ai vu que, car on a inscrit le numéro de la carte mutuelle, j'ai vu que vraiment la mutuelle va être fonctionnelle. Le médecin directeur de l'hôpital de Mutoyi, Dr Joseph Nikobamye, parle davantage chez les patients et chez l'hôpital suite à la reprise de l'usage de la carte mutuelle de la fonction publique. L'avantage pour les patients est manifeste parce que quand l'utilisation de la carte avait été suspendue, les cotisations que les fonctionnaires doivent donner régulièrement à la mutuelle de la fonction publique étaient toujours données, mais vous comprenez quand vous cotisez que après vous allez à l'hôpital, mais on vous dit que l'hôpital ne peut pas accepter l'usage de la carte, donc c'est une perte. Mais également aussi pour l'hôpital, parce que si les patients peuvent utiliser leur carte de la mutuelle de la fonction publique, il y a un avantage parce que l'hôpital est en train de répondre bien à sa mission qui est celle d'aider dans la mesure du possible à l'accessibilité des soins de santé pour tout le monde. La reprise de l'usage de la carte mutuelle de la fonction publique à l'hôpital de Mutoyi date de janvier 2020 après 4 ans de suspension de cette carte causée par le retard de paiement des factures par la mutuelle de la fonction publique. Cet hôpital appartient à l'archidiocèse de Gitega. Depuis Gitega, Gianni Vigila pour la radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. 13h passées de 2 minutes dans le studio de la radio Isanganiro. Poursuivons notre édition de la page Droits de l'homme. Les enfants âgés de 13 et 17 ans s'observent dans différents marchés comme au marché dit Kotebou en train d'exercer différentes activités pour gagner de l'argent. Ceux qui se sont exprimés au micro de la radio Isanganiro sont majoritairement des portefeuilles, disent qu'ils sont obligés de travailler suite aux différentes raisons dont la pauvreté. Cela est ainsi au moment où ce 12 juin, c'est la journée internationale de lutte contre le travail des enfants. Toujours en marge de cette célébration, chaque activité rémunératrice est interdite aux enfants mineurs. La Fédération nationale des associations engagées dans le domaine de l'enfance au Burundi estime que l'implication de toute personne adulte est aidée dans la lutte. Écoutez plutôt Isidore Netourouye, coordinateur national à la FENADEB, joint au téléphone par Omer Douaye. Les activités rémunératrices ne peuvent pas être exercées par un enfant parce que celui qui emploie un enfant dans des activités rémunératrices va essayer de l'exploiter au maximum et va aller au-delà des activités acceptées pour les enfants. Ces activités, aussi longtemps qu'elles sont rémunératrices, ne sont pas acceptées pour les enfants, pour éviter les abus que peuvent exercer les employeurs. Est-ce que les enfants qui exercent des travaux forcés existent-ils au Burundi? Quels sont les chiffres? Nous n'avons pas de chiffres parce qu'on n'a pas fait d'enquête irrelative, mais nous les voyons dans l'entourage, tout autour de nous. Dans son allocution, celui qui a représenté le ministère du Travail dans la célébration de la dite journée, il a parlé de la participation de chacun des adultes burundais pour au moins lutter contre les travaux forcés aux enfants mineurs d'ici 2025. Est-ce que c'est possible selon vous? Bien sûr, c'est possible parce que toute personne qui nous écoute peut combattre ces activités qui ne sont pas appropriées à l'enfant. La loi est là, il suffit de l'appliquer. Chaque personne peut aider à appliquer cette loi dans son entourage. Si on voit un enfant qui est en train d'être exploité, il faut sauver cet enfant de cette situation et dénoncer la personne qui l'emploie. Nous appelons toute personne qui est consciente de son état d'humanité de sauver cet enfant qu'il voit tout autour de lui, cet enfant qui peut être victime des activités qui ne sont pas appropriées à son âge. Le Conseil des ministres, tenu mercredi de cette semaine, a analysé le projet de loi relatif à l'immigration et à l'immigration au Burundi, existant depuis une trentaine d'années. Dans un compte rendu, lu par Prosper Naogwami, secrétaire général et porte-parole du gouvernement, il fait savoir que l'élaboration de ce nouveau projet vient répondre au souci d'avoir une loi unique régissant ces mouvements. On l'écoute. Ce projet clarifie également les missions qui reviennent à la police des migrations et celles qui reviennent à l'Office national pour la protection des réfugiés et des apatrides, car la loi numéro 1/32 du 13 novembre 2008 sur l'asile et la protection des réfugiés a attribué à cet office des missions qui sont dévolues à la police des migrations. Ce projet de loi lève également certaines contradictions entre le décret-loi numéro 1/007 du 20 mars 1989 portant réglementation de l'accès, du séjour, de l'établissement des étrangers au Burundi et le éloignement et la loi numéro 1/32 du 13 novembre 2008 sur l'asile et la protection des réfugiés au Burundi en ce qui concerne la mise en place de la commission consultative pour réfugiés et étrangers. Étant donné qu'il n'y a pas de personnel spécialisé dans le traitement des dossiers relatifs aux étrangers dans les représentations diplomatiques du Burundi à l'étranger, le projet de loi propose la création d'un poste réservé à l'agent des migrations qualifié pour traiter les dossiers des Burundais se trouvant dans les pays d'accréditation ou des étrangers qui veulent se rendre au Burundi. Enfin, comme il n'y avait pas de cadre légal qui différencie les ressortissants de la communauté est-africaine des autres étrangers, le projet de loi vient faire cette distinction pour les différencier des citoyens provenant d'autres pays. Dans la page Bonne gouvernance, environ 2,5 millions de dollars américains derrière le montant total des contributions annuelles que le Burundi doit à l'Union africaine. Dans une correspondance adressée ce 8 juin à l'ambassade du Burundi, à Addis Abeba en Éthiopie, siège de l'Union africaine, la commission de l'Union africaine demande au gouvernement burundais de prendre toutes les mesures nécessaires pour régler ces arriérés. Le contenu de cette correspondance avec notre confrère Armel Mutore. Jusqu'au 7 juin de cette année, le montant total des contributions dues par le Burundi au titre des budgets de l'Union africaine s'élevait à 2 418 180 dollars américains selon une correspondance du 8 juin courant de la Commission de l'Union africaine à l'ambassade du Burundi à Addis Abeba en Éthiopie, siège de l'Union africaine. Parmi ces fonds, 1 015 004 dollars américains constituent les arriérés sur le budget ordinaire de l'Union et 356 153 dollars américains des arriérés sur le budget d'appui à la paix et le financement des activités liées à la médiation et à la diplomatie préventive. La contribution du Burundi au titre du budget ordinaire pour cette année 2021 s'élève à 836 385 dollars américains, tandis que la contribution au Fonds pour la paix cette même année est de 210 638 dollars américains, des contributions statutaires exigibles au 1er janvier de chaque année. À cet effet, la Commission de l'Union africaine demande au gouvernement burundais de prendre toutes les mesures nécessaires pour régler le montant dû. Le financement de l'Union africaine est une décision adoptée par les chefs de l'État et de gouvernement lors d'une retraite sur le financement de l'Union à l'occasion du 27e sommet de l'Union africaine tenu à Kigali au Rwanda en juillet 2016. La décision demande à tous les États membres de l'Union africaine d'appliquer le prélèvement de 0,2% de la valeur des biens admissibles importés dans un État membre à partir d'un État non membre. Merci Armel Moutoud. Les notables de la province Bubanza reconnaissent la bonne collaboration avec les administratifs à la base dans la résolution des conflits, sauf quelques collines où les élites ne veulent pas y associer. Ces notables souhaitent également être associés aux réunions hebdomadaires de sécurité dans les communes afin de pouvoir contribuer dans l'amélioration de la sécurité. Ils l'ont dit ce vendredi à Gihanga lors des cérémonies d'institution des notables de la localité. Le point avec Space Caritas Kabanyana. Au cours de ces cérémonies d'investiture des notables ce vendredi à Gihanga, le représentant provincial a d'abord rappelé quelques critères qu'on doit remplir pour être investi. Entre autres, être âgé de 35 ans et plus, être intègre avec toutes les qualités d'honnêteté et après une année de suivi, le parrain transmet le message au responsable que tel Umuganahe mérite être investi. Kinwawazi Augustin, représentant provincial de l'institution des notables dans la province de Bubanza, reconnaît la bonne collaboration avec les administratifs à la base, mais avec une certaine réticence sur quelques collines, comme il l'a précisé. Paul Habimana, représentant provincial adjoint, a quant à lui émis le souhait que les notables devraient être invités dans les réunions de sécurité dans les communes car ils ont des contributions à donner au cours de ces réunions. Les participants aux cérémonies d'investiture de ce vendredi apprécient le rôle des notables et des administratifs à la base dans la résolution pacifique des conflits, ce qui fait même que les plaintes diminuent au niveau de la justice. Spécialité Caritas Kabanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Merci, Space Cartas Kabanyane. C'est ici que nous prenons un point final à ce journal. Nous vous remercions pour tous qui étaient à l'écoute. Je remercie Eric Ouimana pour sa parfaite collaboration technique. Vétenis Jimbele qui est au micro, vous souhaite de passer une bonne journée dans un essentiel de la revue de la presse. Revue de la presse. Bonjour ou bonsoir, suivant votre zone d'écoute. Bienvenue à cette revue de presse consacrée en grande partie à l'éducation. L'entretien de la paroisse des Poilissimes laisse à désirer, constate Burundi Echo. Au rythme de la vie estudiantine, les infrastructures de l'unique université nationale se sont dégradées depuis plusieurs années. Le campus Mutanga n'a pas échappé à cette règle, écrit ce journal. De la clôture aux infrastructures, l'état dans lequel se trouve ce campus, qu'on appelle la paroisse des Poilissimes dans le jargon des universitaires de Lumuri, est inquiétant. Burundi Echo vous amène à la découverte de cette aînée des campus qui a toujours servi de référence pour l'Université du Burundi. Pour cet hebdomadaire, même si l'effectif des étudiants internes a été réduit, il reste impérieux de garder cet espace propre. À part qu'il s'agit d'infrastructures publiques dont il faut garantir l'entretien, ces bâtiments de l'université publique méritent une certaine attention, conclut son confrère, en rappelant qu'il reste difficile de trouver un logement pour les étudiants dans la ville de Bujumbura. De son côté, le journal Iwachu rapporte que l'accès au restaurant reste aujourd'hui un privilège pour peu d'élus, puisque seules quelques dizaines d'étudiants boursiers internes ont droit à la restauration dans 4 campus de l'université à Bujumbura. Ce confrère fait remarquer que le restaurant universitaire du campus Rohero est fermé et que la majorité des étudiants étant des pré-boursiers, ils sont donc obligés d'aller manger à l'extérieur du campus. Jonas Moussavdimana, représentant des étudiants de l'université, précise dans les colonnes de cet hebdomadaire que les étudiants qui ont accès au restaurant dans les 4 campus de la mairie de Bujumbura sont estimés à plus de 250 sur plus de 12 000. Il reconnaît qu'il y a une ordonnance ministérielle conjointe qui stipule dans son article 19 que le prêt bourse prend en charge tous les besoins de l'étudiant bénéficiaire. Et pour sa part, interrogé par un reporter du journal Iwachu, Melchior Nahwahomba, directeur des services sociaux à l'Université du Burundi, réplique que les étudiants devrait consulter la loi. Ce représentant des étudiants qui se dit optimiste fait savoir, toujours dans les colonnes de l'hebdomadaire Iwachu, que les responsables des services sociaux de l'Université du Burundi ont promis à la représentation des étudiants de se mettre ensemble pour envisager une solution. Revue de la presse. Éducation toujours avec les syndicats des enseignants satisfaits de la mesure de suspension des évaluations en réseau. Selon la voix de l'enseignant, c'est un ouf de soulagement chez les syndicalistes, les enseignants, les parents et les élèves, car l'organisation de ces examens présente beaucoup plus de défis que d'avantages. La voix de l'enseignant fait remarquer que cette décision de suspension des évaluations communes et en réseau, jusqu'à épuiser son contour, est faite suite à une correspondance qui avait été adressée au ministre ayant en charge l'éducation, une rencontre des syndicalistes du secteur de l'éducation, ainsi qu'un point de presse sur les examens en réseau. Pour cet hebdomadaire de l'éducation, l'urgence s'est imposée parce que dans différents coins du pays, les examens sont en train de se passer au niveau des écoles. Surtout pour les classes terminales. Cerveau burundais à l'étranger, un retour impossible, s'interroge un blogueur Yaga qui constate qu'en Afrique, la question de la fuite des cerveaux s'oppose avec de plus en plus d'acuité, que le Burundi ne fait pas exception. Ce confrère fait également remarquer qu'entre ceux qui penchent pour le retour au pays natal et ceux qui hésitent encore ou ne l'envisagent même pas, la question est loin d'être tranchée. Toute une brochette de défis qu'il va falloir relever pour que le Burundi profite pleinement des compétences de ses intellectuels, partis voir là où l'herbe est plus verte. Un nouveau-né dans les structures de soins de la province Cibitoke, ici l'ABP écrit, sur le centre d'EV de physiothérapie et de rééducation fonctionnelle, opérationnel depuis février 2021. Situé à quelques mètres de l'hôpital Chibitoke, sous la direction de M. David Niongabo, un licencié en kinésithérapie de l'Université Espoir d'Afrique de Bujumbura, il renferme trois services dont la kinésithérapie, l'urogynécologie et l'orthopédie. M. Niongabo a révélé à nos confrères de la BP que l'innovation de créer le 10 centres et d'aider les concitoyens de sa province natale à accéder aux services de kinésithérapie sur place sans toujours descendre vers les structures de soins de la capitale Bujumbura. Ainsi se referme cet hebdomadaire de la presse qui vous a été présenté par Mireille Kanyange et Francine Ndokugayo. Très bonne suite des programmes sur Isanganiro. À la prochaine. Revue de la presse.